Ah merde, pas celui-là. Je vais aussi commencer un autre. Attends, on avait commencé un de ton côté aussi. Ouais. Ouais, je l'ai fait un peu. Mais vu que toi tu reprenais déjà tous les éléments, je me suis mis sur ton format. C'est ce que tu dis. Ouais, j'ai pas fait dans la dentelle. Hein. Ah, moi j'ai pris des slides d'ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de questions-réponses à l'examen. Donc, comme Madame Brousseau l'a dit au dernier cours, la partie toute théorique c'était vraiment le dernier cours la semaine passée, mardi dernier. Et aujourd'hui, c'est vraiment une séance de questions-réponses. Donc, on vous a invité à poser toutes vos questions sur l'université virtuelle. La façon dont on va procéder aujourd'hui, c'est on va prendre ces questions une par une. On va essayer, avec Arnaud, d'un peu vous aiguiller et vous donner des compléments d'information ou de réexpliquer un peu la matière. On vous invite aussi également à participer. Et c'est déjà un bon exercice pour l'examen, que vous-même, vous appreniez déjà à essayer d'expliquer avec vos mots certains concepts. Et comme ça, vous pouvez vous entraider et on fait une sorte de crowdsourcing. Alors, un petit rappel sur l'évaluation. Donc, l'examen se compose de deux types de questions. Donc, c'est un examen écrit théorique et individuel, bien entendu. Il y aura environ 5 questions, si je ne m'abuse. Donc, 2-3 questions un peu plus théoriques. On vous demande d'expliquer certains concepts. Donc, on n'est pas dans une volonté de par cœur. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'étudier par cœur telle définition de tel auteur, mais plutôt que vous ayez une compréhension des concepts et que vous puissiez les expliquer avec vos mots et pourquoi pas les illustrer avec des exemples. Et ensuite, il y aura 2 questions plus de cas d'études. Donc là, c'est beaucoup plus comme on fait en exercice où il y aura un cas d'actualité, par exemple, un cas médiatique, et vous devrez utiliser des concepts pour l'expliquer et pour l'analyser. Un petit conseil personnel pour vous entraîner pour l'examen. Pour les questions théoriques, reprenez les slides et essayez de les expliquer comme si vous étiez le professeur à expliquer avec vos termes, essayez d'expliquer tout le cours. Comme ça, vous verrez rapidement s'il y a des points qui bloquent ou pas. Et pour les cas d'actualité et les cas d'études, on va dire, allez simplement sur les journaux et essayez directement voir quel concept vous pourriez utiliser pour expliquer ces différents cas. Oui. Est-ce qu'il y aura des questions sur les textes ou est-ce qu'il faudra juste articuler en fait les concepts vus dans les textes par rapport à ceux définis dans les slides ? Donc, la matière du cours, eh bien, ce qui a été présenté par Madame Brousteau, elle a mobilisé des éléments des différents textes et des différents articles scientifiques. C'est à ça que les questions feront référence. Ce n'est pas à l'ensemble des textes. Vous ne devez pas connaître tous les textes par cœur. Ce sont vraiment les éléments des textes qui ont été présentés par Madame Brousteau. Et donc, comme expliqué au premier cours, l'examen comptera pour 70%. Le travail que vous aviez rendu et dont les notes seront disponibles après ce cours, normalement, sera de 20% et les exercices de 10%. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Une question là aussi. Une question, oui. Si on cite un concept, faudra-t-il automatiquement citer l'auteur du concept ? Si vous citez un concept, évidemment, vous devez vous référer à l'auteur, même si vous ne devez pas simplement expliquer la définition telle, avec les mots exacts, qu'il ou elle a utilisé. Mais si vous parlez, par exemple, de capital social, c'est important de mentionner que ça vient de Bourdieu, parce que ces différentes acceptions et ces différents concepts ont parfois des sens différents selon les auteurs. Donc c'est important de chaque fois se rattacher à la même acception. D'autres questions ? Alors nous allons commencer. La première question fut la suivante. Comment Habermas conçoit-il l'espace public ? Je pense que c'est une question qui est assez large, mais que normalement vous avez dû voir à travers vos différents cours de communication en bachelier et en master, mais néanmoins quelques petites informations. Donc là, typiquement, si vous utilisez ce concept au cours, c'est important d'expliquer si vous avez la vision de l'espace public d'Habermas ou si vous avez une vision un peu plus différente et un peu plus novatrice, forcément. Donc, Jürgen Habermas est un philosophe et intellectuel allemand qui est né en 1929 en Allemagne et qui a publié sa thèse de l'espace public dans les années 60. Donc, la définition qu'il va donner de l'espace public est la suivante. C'est un processus au cours duquel le public constitué d'individus faisant usage de la raison s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace public que décrit Habermas s'inscrit dans un contexte du XVIIIe siècle, en Angleterre principalement et en France un peu plus par la suite, où il y a un contrôle de l'État qui est assez fort, et où en fait l'espace public agit comme une interface, donc, où les citoyens interagissent entre eux, discutent, argumentent de façon rationnelle, en faisant usage de la raison, pour arriver à une opinion publique qui sera ensuite publicité. Donc le terme de publicité à comprendre donc, comme le fait de rendre une chose publique et non pas comme la publicité marketing de nos jours. Mais donc ce qui est important, c'est que la société civile va s'organiser, va se rencontrer dans les cafés, dans les salons de l'époque, vont discuter de manière rationnelle sur des questions, des enjeux publics et politiques. Et ensuite, ils vont transmettre et propager ces discussions, et ces discussions et en fait cette opinion publique, donc, mais à la lumière de la raison. Donc c'est vraiment le meilleur argument, entre guillemets, qui l'emporte. Et l'objectif, c'est d'agir en tant que contre-pouvoir par rapport à ce pouvoir qui est très fort à l'époque. Donc c'est une volonté de vraiment s'inscrire en contrepoids à ce contrôle. Donc bien évidemment, cette définition s'inscrit dans un contexte bien particulier. De nombreuses critiques ont été émises par rapport à cette théorie de l'espace public, notamment le rôle de la femme qui n'est pas du tout mentionné dans la théorie d'Habermas, le rôle de la classe ouvrière non plus. Mais ce qui est intéressant dans ce cours, c'est que certains auteurs ou certains courants de pensée vont imaginer l'évolution de l'espace public, notamment par rapport au numérique. Et donc vont considérer, par exemple, que Twitter ou les blogs ou Internet en général, eh bien, vont développer et faire évoluer cet espace public en un espace public numérique, dans lequel les citoyens, comme vous et moi, ont la possibilité d'échanger directement avec les politiciens ou avec d'autres personnes de la société civile pour débattre. Néanmoins, il y a forcément des limites à cette conception de l'espace public numérique, puisque vous connaissez certainement aussi les débordements dont il est possible sur Twitter et sur les autres forums et autres. Donc on a notamment vu ça avec l'astroturfing, où là, cette notion d'espace public est complètement bafouée, vu que ce sont des utilisateurs qui créent des faux comptes avec des fausses identités pour relayer des messages. Donc là, on n'est plus du tout dans cette idée, dans cette volonté d'utiliser la raison avec des arguments logiques, vu que le but est d'envoyer parfois des fausses informations, en tout cas d'une fausse identité, pour soutenir un agenda ou un autre. Donc, voilà, il y a cette vision habermasienne de l'espace public qui est vraiment à inscrire dans un contexte donné. Donc même Habermas, 30 ans plus tard, va revenir sur sa définition de l'espace public en montrant un peu les manquements de sa théorie. Mais il faut la comprendre et la mettre en lien avec cette évolution des technologies de l'information et de la communication, et essayer de comprendre comment cette théorie très normative, parce que Habermas, son objectif, c'est de montrer comment la société civile et comment la société doit fonctionner, alors qu'il y a énormément de différents intérêts maintenant qui sont à prendre en compte lorsqu'il y a des échanges entre gouvernement, médias et société civile. Donc il y a toujours dans cette triade, mais les relations sont parfois un peu plus compliquées. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair? Oui. Donc il est passé d'une théorie normative à une théorie de l'agir communicationnel, c'est ça? La théorie de l'agir communicationnel est toujours en lien avec l'idée d'Habermas, en fait. Hein. C'est Habermas qui vient avec cette idée de la théorie de l'agir communicationnel. Et donc, en effet, la théorie d'Habermas est extrêmement normative. Mais de nombreux auteurs ont critiqué cette théorie très normative et vont essayer d'utiliser le concept d'espace public pour expliquer comment la société fonctionne actuellement. Oui. En fait, vous attendez l'examen, vous attendez qu'on fasse les liens entre plusieurs cours, parce que là, vous venez de parler d'astroturfing et la notion d'espace public, c'est au lieu de c'est en effet une très bonne remarque. L'objectif de ce cours, c'est que vous voyez qu'en fait, toutes les théories qui vont vous être présentées, tous les concepts, sont en fait, elles se rejoignent. Et donc, par exemple, pour expliquer un phénomène communicationnel, ce qu'on veut expliquer, c'est qu'il n'y a pas forcément un seul concept pour l'expliquer, mais qu'il y a plusieurs postures et différentes perspectives. Et donc, forcément, l'objectif, c'est aussi de faire des liens entre les différents cours, les différents concepts, parce que, voilà, ils sont imbriqués. Et même, vous pouvez même faire des liens avec les autres cours donnés par d'autres professeurs. C'est ça l'objectif aussi à l'université, c'est que vous ayez une vision un peu plus globale, une vision pour comprendre l'effet de société ici dans un cadre numérique et communicationnel, mais d'utiliser différents concepts pour évidemment apporter différents éclairages là-dessus. Donc oui, c'est grandement apprécié si vous faites des liens entre les différents cours et les différents concepts. C'est aussi dans cet ordre d'idées-là qu'on ne veut pas simplement vous poser la question, donner la définition d'espace public d'Habermas, par exemple. Mais qu'on veut plutôt une question à l'examen sera plutôt expliquer comment l'espace public d'Habermas s'est évolué à travers le temps et peut-on parler d'espace public numérique de nos jours, par exemple. Et que du coup, on ne veut pas une définition bien précise, mais plutôt une réflexion où vous pouvez développer et mobiliser différents concepts pour justifier vos arguments. Donc, on est plus dans de l'argumentaire, comme dans d'autres cours, comme le cours de lobbying, par exemple, que dans vraiment de la restitution pure et simple. Ouais. Madame Bousteau avait parlé du fait que Habermas en fait considérait que le numérique en fait annulait en fait les revendications puisqu'on trouvait un peu tout et son contraire. Est-ce que le phénomène des fake news peut être compris dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut illustrer en fait ce concept à partir des fake news par exemple, le fait que c'est pas tant en fait la rationalité qui est derrière, mais c'est l'effet en fait que produit une fausse nouvelle et qui va venir en fait annuler l'effet opposé. Tout à fait. Donc, on en revient à cette idée qu'Habermas c'est une version normative et que pour lui, l'espace public doit fonctionner avec un échange fait sur base de la raison. Et que donc, les gens vont délibérer, l'idée de délibération est importante, une démocratie délibérative, et c'est qu'on va choisir le meilleur argument qui est le meilleur pour le bien commun. Alors que, bien entendu, de nos jours, on est moins dans cette idée idéale de l'espace public, mais on est plutôt dans un espace public où il y a énormément de différents intérêts qui se rencontrent, et qui, voilà, il y a des communicants publics, il y a des lobbyistes, il y a des journalistes qui ont certains agendas, certaines obligations économiques ou autres, et qui veulent faire passer leurs intérêts, et faire envoyer leur message dans l'espace public auprès des gouvernements, auprès de la société civile, auprès des médias. Et l'objectif, c'est d'avoir sa propre publicité, à nouveau avec un P majuscule, d'avoir la visibilité, d'avoir une meilleure réputation, une meilleure irréputation également sur Internet. Et donc, dans ce sens, tout à fait, le fait d'avoir des fake news, comme quand Marine Le Pen dit qu'Emmanuel Macron a peut-être un compte aux Bahamas. L'objectif n'est pas d'avoir un argument rationnel basé sur les faits, vu qu'elle met le lendemain que non, je n'ai pas de preuves, mais le fait est d'envoyer un message pour, entre guillemets, décrédibiliser un opposant ou autre et pour faire passer ses intérêts en priorité. Donc, dans cette idée de fake news, tout à fait, on peut la mettre en lien avec l'espace public. D'autres questions? Ou ça vous semble clair? Très bien. Nous allons passer maintenant à une question sur Cardon. Donc sur Cardon, on a reçu plusieurs questions et en fait, tout est un petit peu lié. Donc la première question qu'on a eue, c'était une question sur une citation du texte. Donc la citation, c'est « Le caractère plus ou moins public de la prise de parole devant son réseau social n'est plus déterminé a priori par le canal dans lequel elle s'exprime, mais est interprété a posteriori par ceux qui entourent la conversation. » Donc, à mon avis, une bonne façon de comprendre ça, c'est d'essayer d'imaginer ce que c'était une conversation avant les réseaux sociaux. Donc on peut imaginer par exemple deux personnes qui parlent, qui sont dans un parc et qui discutent entre elles. Même si elles sont dans un espace public, elles sont dans un parc, la conversation est privée parce qu'on comprend implicitement que deux personnes qui parlent sur un banc dans un parc, c'est une conversation privée. Alors que sur les réseaux sociaux et en particulier sur des espaces comme Facebook, là c'est plutôt les personnes qui vont voir les commentaires postés qui vont devoir à chaque fois négocier la position est déterminée si jamais on est face à une conversation qui est plutôt publique ou privée. Donc c'est ça la différence entre les deux. Au départ, on a un espace qui est bien compris par tout le monde comme étant un espace privé, même si jamais, d'un point de vue légal, on est dans un espace public, un parc par exemple, ou la rue, alors que sur les réseaux sociaux, c'est pas aussi bien calibré. Du coup, tout le monde peut venir poster un commentaire, même si jamais la conversation a l'air privée ou pas. Donc c'est ça la différence entre les deux. Les frontières sont un peu plus floues. Ça va pour cette partie-là ? Ok. Alors sur la notion de clair-obscur et du panoptique, donc en fait ce que Cardon veut dire quand il parle de clair-obscur, en fait il parle de stratégie, de dévoilement sur les réseaux sociaux. Donc il explique qu'en fait, quand on est présent sur les réseaux sociaux, on va montrer certaines choses et cacher certaines choses. Et c'est les choses qu'on cache et qu'on montre vont aussi dépendre des personnes à qui on va pouvoir donner accès à nos informations. Donc sur Facebook, il y a déjà des paramètres qui permettent de le faire d'une certaine façon. Donc on peut montrer certaines choses uniquement à ses amis, on peut montrer des choses à tout le monde, on peut cacher des choses à tout le monde. Donc certaines choses sont déterminées par les paramètres ou par la plateforme en elle-même. Mais évidemment, il y a aussi des choses qu'on va paramétrer nous-mêmes, il y a des choix qu'on va faire qui peuvent être eux personnels. Et donc le lien avec le panoptique ici, donc pour rappel, le panoptique, c'est un projet qui n'a rien à voir au départ avec les réseaux sociaux, hein, parce que c'est en fait une solution technique pour créer une prison idéale au XVIIIe siècle. Donc au départ, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et ce n'est peut-être même pas un concept. C'est devenu un concept finalement 200 ans plus tard, quand on a essayé d'utiliser cette image du panoptique pour parler d'une société de la surveillance généralisée. Et donc, en fait, les réseaux sociaux, on pourrait les comparer à un espèce de grand panoptique. On serait tous, on pourrait tous se voir. Hein, donc ici, on a l'image d'un panoptique. Donc en fait, toutes ces cellules, ça pourrait être nous, en fait. On est capable de voir tout le monde. Et du coup, le lien avec le clair-obscur, c'est qu'en fait, ça nous permet d'échapper d'une certaine façon à ce contrôle en contrôlant mieux ce qu'on va montrer aux autres et ce qu'on va cacher. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Donc, le clair-obscur permet d'échapper à cette vision panoptique que les réseaux sociaux numériques offrent aux utilisateurs. C'est ça, ou en tout cas, elle permet de nous reprendre une certaine forme de contrôle par rapport à ce qui est montré ou pas. Oui ? Et le clair-obscur là, de Cardon, c'est le même que celui de Solon ? Oui, c'est la même chose. D'autres questions ? Ok, on peut passer à la suite alors. Alors, le capital. Oui ? En fait, si, c'est-à-dire que la conversation, c'est lié en fait à la première citation, si on veut. C'est-à-dire que le statut de la conversation a un petit peu changé. Au départ, la conversation, on comprenait tout de suite son caractère privé, même si jamais elle était dans un espace public. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir des conversations qui peuvent être dans un espace public, mais qui sont privées. Mais que tout le monde ne va pas interpréter comme étant privé. Et du coup, on peut se retrouver dans une situation où on poste un avis, par exemple, sur les élections présidentielles au sein de son réseau social, ce qu'on voyait au départ comme une conversation avec 2-3 personnes, et puis il y a peut-être des gens qu'on ne connaissait pas trop qui vont venir donner leur avis. Et du coup, cette conversation qui, au départ, était peut-être au départ privée, devient quelque chose de public. C'est ça la différence entre les deux. Oui ? Oui. La société de surveillance généralisée elle fait rapport aux réseaux sociaux ou bien... Elle fait pas rapport. Non, en fait, c'est pas du tout lié aux réseaux sociaux au départ. C'est les théories liées à Michel Foucault au départ. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait différent. En fait, c'est très utilisé aujourd'hui pour repenser le système carcéral. Donc, on retourne finalement à ces questions de prison, notamment avec tout ce qui est bracelet électronique. Vous voyez, l'idée du bracelet électronique, finalement, c'est de ne plus mettre des gens en prison et de les contrôler parce qu'on les surveille à distance. Finalement, c'est un panoptique, mais où les gens ne sont plus enfermés. Vous voyez l'idée ? Oula. Alors ensuite, il y avait une question sur le lien entre le capital social de Bourdieu et le don. Alors c'est une question très très large, celle-là. Donc au départ, il faut retourner aux notions de capital que Pierre Bourdieu a développé. Donc il distingue le capital social du capital économique et du capital culturel. Donc ce qui est important de retenir dans cette théorie, dans ces concepts, c'est notamment la notion d'habitus et d'héritage. C'est-à-dire que en fonction de d'où vous venez, de où vous êtes, à l'ULB, vous êtes fils d'un tel et d'un tel, eh bien il y a une certaine transmission de ces capitaux. Donc c'est notamment assez effarant de voir, moi, de nombreux sont mes amis qui ont plus ou moins un job dans le secteur dans lequel travaillent leurs parents. Voilà, il y a une sorte de reproduction de génération en génération et d'une transmission de ces capitaux. Ensuite, au niveau du capital social, donc la définition de Bourdieu, c'est un ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance ou d'interreconnaissance. Donc ici, à nouveau, on parle de réseau. Et le fait d'avoir un certain capital social, c'est le fait de connaître des gens, de pouvoir mobiliser des gens, et c'est à nouveau intrinsèquement lié en fait à cette notion de reproduction et d'héritage de ses parents. Car voilà, on grandit dans un certain environnement social, on va à une certaine école, on a certains amis qui viennent d'un certain milieu, ensuite on décide d'aller à l'université, ici à l'ULB, où vous êtes aussi dans un certain réseau et au sein duquel donc voilà, vous faites des amis, vous faites des collègues, vous travaillez en groupe, vous élargissez votre réseau. Et maintenant, en lien avec les réseaux sociaux, c'est assez intéressant de voir la façon dont vous allez construire votre propre réseau en ligne, entre guillemets, et de pouvoir voir quelles sont les ressources actuelles ou potentielles que vous pouvez mobiliser. Et donc, de ce point de vue-là, on peut mettre ça en lien avec l'idée du don et du contre-don, donc cette théorie sociologique, et de l'appliquer de manière un peu plus stratégique. Et donc l'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, pour améliorer mon capital social, eh bien je vais, entre guillemets, donner dans l'objectif de recevoir en contrepartie. Donc par exemple, si on est sur Twitter, on sait qu'il y a énormément de personnes qui considèrent qu'un capital social important sur Twitter, c'est avoir beaucoup de followers, par exemple. Le fait d'avoir beaucoup de followers est quelque chose de positif pour eux. Donc par exemple, les politiciens, c'est aussi, je reviens à la notion d'astroturfing, où par exemple, ils vont acheter beaucoup de followers. Pourquoi ? Pour montrer qu'il y a un support citoyen derrière eux, pour essayer de créer un bandwagon effect ou autre. Et donc, sur Twitter, si vous voulez avoir un nombre de followers qui progresse et qui évolue, ben certaines personnes vont follower quelqu'un, c'est un don, on va follower, on va se mettre en contact, on va essayer d'élargir son réseau envers cette personne, dans l'objectif qu'ils nous suivent en retour, un follow-back. Et donc là, on est dans cette idée de don et de contre-don pour améliorer, pour faire évoluer son réseau et donc pour améliorer son capital social. Donc ça se voit énormément sur Twitter, ça se voit sur Facebook lorsque voilà, vous commentez ou vous mettez un like pour recevoir un like de l'autre côté. Au niveau marketing aussi, ça se joue beaucoup comme ça. Ou alors pour ceux qui sont, je ne sais pas si vous avez connu les Skyblogs, vous êtes trop jeune pour ça ? Vous avez connu ? Voilà, ben là, à l'époque, le but, c'était de demander à quelqu'un de venir commenter sur ses photos pour aller commenter d'un autre côté. Donc, il y a toujours cette notion de don et de contre-don, une forme stratégique pour élargir son réseau. Est-ce que ça vous semble clair ? Oui. Juste par rapport à l'exemple de la photographie des politiciens qui Non, c'est juste pour illustrer la volonté, cette idée qu'un capital social important est égal à un nombre de followers élevé. Mais ce n'était pas un don contre don. Okay. C'était... Mais en général, sur le numérique, alors le don et contre don qu'il y aura, ce sera toujours quelqu'un qui nous suit partout, ou il y a d'autres formes. Ou un like contre un autre like, ou une discussion contre une autre discussion, ou il y a différentes formes. Je ne sais pas si tu as... Quoi, de contre don Il y a des stratégies qui existent quand on est dans, on va dire, des stratégies purement commerciales. Par exemple, je vends un produit et une autre entreprise vend un produit annexe. Par exemple, je vends des consoles de jeux vidéo et quelqu'un vend des jeux vidéo. Du coup, je sais qu'on a deux communautés qui sont complémentaires. Et du coup, c'est une stratégie purement commerciale de se dire je vais aller commenter sur la page d'un éditeur de jeux vidéo. Eux, ils vont commenter en échange sur la plateforme que j'essaie de promouvoir, par exemple. Donc, c'est des stratégies parfois purement économiques, hein, pas que politiques. Oui. Question là-bas. Je ne comprends pas bien en fait, le lien dans le don de contribution que vous faites avec Moodle, c'est le monde juste. Oui, pouvez-vous développer Moodle, donc, est l'idée de recherche d'un monde juste lié à la bienveillance. C'est une colle. Ouais, faudrait regarder plus en profondeur. Quelqu'un a une explication là-dessus ? C'est vrai que c'est, à nouveau, on est plus dans une vision peut-être normative. Oui ? C'est parce que je me rappelle, en fait, Madame Brousteau avait parlé du fait que, en fait, derrière le don, en fait, il n'y a pas de retour qui est, comment dire, explicite, des fois c'est implicite. Par exemple, essayer de le crowdsourcing, par exemple en termes de Wikipédia, par exemple. Le fait que les gens contribuent sur un réseau en apportant de l'information, c'est une façon en fait d'inciter les autres à faire de même. Donc en fait, c'est à ça en fait que ça fait allusion dans la création d'une société. Mais, cela répond à votre question. J'ai pas trop envie de vous parler. Ouais. En fait, le don, le mot, en fait, il est pas, c'est pas un échange explicite. En fait, il y a une partie d'implicite. Par exemple, quand la grand-mère donne un cadeau à son petit-fils, en fait, elle n'attend pas que le petit-fils lui rende son cadeau. Mais implicitement, en fait, il y a quand même un objectif derrière. C'est que, en fait, elle fait ça pour que le petit-fils lui-même fasse la même chose pour ses enfants. Sur Internet, en fait, tu as le même genre de logique, par exemple, pour Wikipédia ou d'autres plateformes. Quand il y a des gens en fait, qui apportent de l'information, c'est en fait, ils font ça de façon gratuite, mais en fait, non, parce qu'en faisant ça, en fait, ils incitent les autres à participer en fait, à la plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vais peut-être ajouter que je crois que ta question c'était la bienveillance aussi. Oui. Parce que la bienveillance, enfin, moi dans mes notes, c'est pas le mot, ce qui a parlé de ça, c'est honnête. Mm-hmm. Là c'est encore autre chose. Enfin, si j'ai bien compris, c'est l'idée que si on vit dans un monde juste, ça va nous motiver à faire des dons, tout simplement pour vivre dans une société qui est bienveillante. D'accord, cela semble plus clair sur cette idée de don. Donc, j'en parlais, cette volonté d'accroître son capital social est évidemment à mettre en lien avec la notion de irréputation. Donc, il y a eu 2-3 questions sur l'irréputation, et en fait, j'ai constaté que dans les références qui étaient mises sur l'université virtuelle, ça vous renvoyait un PowerPoint, je pense, qui était assez peu fourni. Et donc, là, je vais vous poster les textes qui vont un peu plus en profondeur sur les caractéristiques de l'irréputation, où c'est expliqué beaucoup plus explicitement avec des exemples. Et, donc je vous invite à les consulter. C'est chaque fois Camille Allouin qui en parle. Et donc il revient sur les caractéristiques de l'irréputation, même si je pense que cela est plus ou moins clair quand même pour vous. Après, une question toujours en lien avec les textes d'Allouin, c'est la question d'agent facilitateur. Donc, en fait, un agent facilitateur sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui va, en fait, communiquer ou répondre à des demandes d'autres personnes de sa communauté afin de l'aiguiller ou de répondre à des questions, de trouver des informations et de lui les proposer, ou alors de le renvoyer vers quelqu'un qui pourrait lui proposer les solutions. Donc, un exemple assez simple, vous êtes sur Facebook, quelqu'un dit, voilà, je recherche... Tel objet, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Oui, hein, j'ai besoin d'avis et d'un avocat spécialiste en matière juridique sur tel sujet. Et ensuite, ces agents facilitateurs, en fait, ils viennent commenter pour soit apporter une réponse directe, soit pour renvoyer vers quelqu'un de son réseau qui pourrait l'aider. Et donc, il y a un objectif, bien entendu, d'aide, mais également un objectif de prescription. Et donc, c'est ces actions de prescription qui renvoient la notion de curation sociale, où donc ces agents facilitateurs, eh bien, ils essayent et ils permettent, entre guillemets, ils renvoient des informations et des données sur des réseaux sociaux à d'autres utilisateurs. Et donc, en fait, ils participent au bon fonctionnement des réseaux sociaux, vu qu'ils aiguillent les utilisateurs vers leurs réponses. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a un certain caractère stratégique à ces agents facilitateurs. Et ça veut dire qu'en fait, ils aiment bien montrer qu'ils aident les gens et qu'ils se mettent toujours un petit peu en avant et qui montrent qu'ils ont un réseau et qu'ils peuvent l'utiliser quand il faut. Et à nouveau, c'est un texte d'Allouin qui est assez clair là-dessus, curation sociale et agent facilitateur, que je vais mettre directement sur l'UV après le cours et qui explique en détail ces questions-là, ces notions en tout cas d'agent facilitateur et de curation. Mais je pense que c'est un terme assez clair. Peut-être faire peut-être des différences entre leader d'opinion et agent facilitateur, où là l'agent facilitateur agit vraiment de manière ponctuelle sur un sujet, il développe son réseau ou alors il l'envoie vers quelqu'un de pertinent. Mais je pense que c'est un concept assez... qui s'explique par lui-même. Alors, vas-y. Oui, donc, alors sur l'empathie extimisante, donc ça aussi c'était un concept qui vous avait posé problème. Bon, la première chose à faire, à mon avis, c'est de le remettre dans son contexte. Donc, c'est un concept qui a été développé par un psychologue, et donc c'est Serge Tisseron, qui donc, au début, n'est pas vraiment lié au numérique. En fait, il parle, quand il parle d'abord d'extimité, d'un désir naturel que l'homme aurait à exprimer des choses qui sont plutôt intimes. Donc en plus d'avoir certaines choses qu'on garderait intimes, on aurait aussi besoin d'exprimer certaines choses intimes. Oui ? Oui. Donc, Serge Tisseron est un psychologue qui donc a développé cette théorie qui n'est pas directement liée au monde des médias. En fait, il aurait identifié, alors c'est pas le seul, en fait, c'est un concept qui a évolué dans le temps et il y a d'autres psychologues qui l'ont utilisé, mais c'est lui qui l'a mis le plus en avant ces dernières années. C'est cette idée qu'en plus d'avoir un besoin de garder certaines choses intimes, on aurait aussi un besoin d'extériorité certaines choses qui nous sont intimes et qui ne seraient pas, du coup, ce ne serait pas quelque chose de pathologique. Donc il ne faudrait pas confondre cela avec de l'exhibitionnisme, par exemple. Ce serait un besoin naturel qu'on a. Alors si on a pris ce concept dans ce cours, c'est parce qu'on retrouve finalement l'expression de cette extimité beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc vous en faites l'expérience assez souvent, il y a beaucoup de gens qui vont poster des photos ou bien des commentaires qui vont parler de leur expérience personnelle. Et on pourrait se dire, quand on les voit, mais ça c'est quand même très intime, c'est quand même osé de le faire. Alors au niveau de l'empathie extimisante, donc ça on en a parlé parce qu'en fait c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée dans les campagnes de sensibilisation. L'idée, c'est d'encourager les gens à exprimer leur ressenti, à exprimer une expérience intime, souvent traumatique. Donc là, on est dans des sujets comme le harcèlement de rue, le viol et des choses comme ça, le bullying, pour encourager les gens ensuite à partager une expérience qu'ils auraient eux-mêmes vécue. Et donc rentrer en empathie avec cette expérience qui avait donc été extimisée au départ. Donc, voilà en gros pour l'empathie extimisante. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? D'accord. Alors, question suivante. Donc, on nous a demandé de revenir sur les notions de déterminisme technique et social. Mais je pense qu'on est quand même assez souvent revenu dessus en TP. Donc, est-ce que quelqu'un aurait envie de proposer une définition ? Ou une explication ? Je suis sûr que certains ont compris. Oui. Mais je pense que c'est le fait que le déterminisme technique, donc quand on parle de déterminisme social, on ne peut pas enlever le déterminisme technique parce que c'est la technique qui permet donc, le développement du social. Dans le sens que toutes les évolutions techniques qui ont occuru au cours des siècles ont permis donc, une évolution sociale. Par exemple, avec le développement de l'imprimerie, le développement des chemins de fer, ça a chaque fois permis à l'homme de se développer et donc de davantage se développer et donc de participer au monde social entre guillemets, même si le monde social à l'époque n'était pas forcément le même qu'à l'heure actuelle. Par exemple, avec les trains et le développement des chemins de fer, ça a permis aux individus de se déplacer donc plus vite et donc de peut-être aussi pouvoir communiquer plus vite. Donc ça a facilité la communication entre les individus. Et que donc tout le déterminisme technique à l'heure actuelle, parce que derrière le social et le technique, ben ça permet aux individus de se développer davantage. Donc que ce soit au XVIIIe siècle ou au XXIe siècle, on est exactement dans la même idée de complémentarité entre les deux déterminismes. D'accord. Donc c'est bien parce que vous avez déjà fait une analyse en fait. Mais non, mais c'est très bien, tant mieux, parce que l'idée évidemment, quand on vous présente des concepts et qu'on les met en versus comme ça, ben c'est que finalement vous puissiez les nuancer et voir voilà, quelle part de chaque concept est pertinente et bien montrer que ben, ce n'est pas le déterminisme technique qui l'emporte ni le déterminisme social. Donc pour revenir sur ces deux concepts de manière un peu plus précise, ça c'est un travail de Bourdieu, alors vous ne devez pas l'étudier, rien, c'est pour vous illustrer le concept de déterminisme social. Donc Bourdieu a fait un livre qui s'appelle La distinction, il me semble, et son idée c'était d'essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait, sur base de certains critères, donc ici il parle du capital économique, culturel, essentiellement ces deux-là en fait, on pouvait en fait déterminer toute une série de pratiques au sein de la population. Donc là, on est vraiment dans l'idée qu'on peut tout déterminer socialement. Quelques petits critères et hop, on sait savoir que vous aimez le golf parce que vous avez un capital culturel élevé et que vous votez à droite, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'idée que voilà, tout est socialement déterminé et finalement, vous avez très peu de choix. Moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous comprenez bien. On ne peut pas juste tout déterminer à partir de deux ou trois critères, mais c'est ça l'idée du déterminisme social. Alors l'idée du déterminisme technique, en fait, c'est toujours l'idée d'une flèche qui va dans un sens. On a un média ou un support ou une technologie, et puis elle va être dépassée par une autre, qui va être dépassée par une autre, et tous nos usages vont accompagner cette évolution technologique. Donc c'est toujours une flèche qui va dans un sens et il n'y a jamais de retour en arrière. Donc ça, c'est une illustration comme ça, mais pour vous illustrer simplement l'idée d'évolution. Alors évidemment, comme votre collègue l'a très bien expliqué, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où le déterminisme technique l'emporte clairement. Sur les moyens de transport, par exemple, c'est assez clair que plus personne ne se déplace à cheval, ou très peu de gens, ou en tout cas pour d'autres raisons. C'est plus une nécessité. Les gens se déplacent autrement, mais clairement pas à cheval. Mais il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué. L'exemple que j'ai repris en TP, par exemple, le cas du vinyle qui revient à la mode. Le vinyle, il a a priori, d'un point de vue technique, aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il coûte cher à produire, il s'abîme, il prend de la place. Et pourtant, les gens se mettent à le racheter, alors pour des raisons qu'on peut trouver parfois un peu ridicules, c'est un peu de la nostalgie, mais toujours est-il qu'on achète des vinyles. Donc c'est quelque chose de bizarre et ça montre qu'il y a toujours une tension entre ces deux concepts. Est-ce que c'est clair ? Le cas du vinyle, c'est un contre-exemple au déterminisme technique. Ok. Alors, on va passer à la suite. Donc, sur la société du spectacle et Guy Debord. Alors, ça, c'est pas un petit morceau. Donc, celui-là aussi, on va le remettre en contexte d'abord. Donc, il faut vous dire que le livre a été écrit en 1967, donc c'était il y a 50 ans. Donc, le livre « La société du spectacle ». Et l'idée, en fait, si on a repris Guy Debord maintenant, c'est parce que certains éléments qu'il y a dans ce livre nous semblent pertinents aujourd'hui. Donc, vous ne tracassez pas si vous ne comprenez pas Guy Debord de manière extensive. C'est très compliqué, il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce que veut dire Guy Debord. Donc, on a quelques éléments. En fait, ce qu'on a vu au cours, c'est des morceaux choisis qui nous paraissent pertinents pour analyser les médias aujourd'hui. Okay ? Donc, son idée de départ sur cette société du spectacle, c'est que, pour lui, dans les années 60, on a eu une transformation dans la manière dont se font les rapports sociaux, et donc qui s'inscrit vraiment dans une critique de la société de consommation qui est une critique assez bien partagée dans le monde académique. Donc, il n'est pas tout seul. Au cours, on a cité Marcuse, mais finalement, même certains travaux d'Habermas vont aussi dans ce sens-là. Donc, c'est un travail, disons que c'est une approche qui est assez bien partagée dans le monde intellectuel à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est que pour lui, le rapport social à son époque devient un spectacle. Donc, quand il parle de société du spectacle, il ne critique pas le spectacle au sens le spectacle, le cirque, la télévision. Il critique le rapport social qui est créé entre les gens, dans lequel, en fait, on fait plus attention à à la manière dont on parle plutôt que ce qu'on dit. Il faut montrer qu'on a donné un avis sur quelque chose, mais l'avis qu'on a donné n'est pas important, par exemple. Donc en fait, ça s'inscrit dans une critique notamment de la publicité. C'est plus le packaging qui est important que le contenu. Et il applique ça aux êtres humains, en fait. Alors, on a parlé d'unité et de division. Donc ça, c'est un des concepts qu'on a emprunté. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est une injonction paradoxale pour lui, qu'il y a dans sa société, pour lui en 67, mais on pense que ça s'applique aussi aujourd'hui, qu'on doit d'un côté se distinguer des autres, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut faire quelque chose d'original, mais de l'autre côté, il faut faire comme les autres. Donc en fait, on doit être original comme les autres. On doit tous être sur les mêmes réseaux, on doit tous avoir une photo de profil, on doit tous avoir ça, ça, ça, il y a toutes ces critères, mais en même temps, on doit se démarquer. Donc disons que ça, c'est un des éléments qui nous paraissait intéressant. Et alors, le deuxième élément, c'est cette notion de fausse conscience. Donc, il identifie trois fausses consciences. Quand il dit fausse conscience, en fait, il veut dire que c'est une méprise sur le concept. il emprunte le terme de fausse conscience à Marx, c'est pour ça qu'on ne comprend pas quand il le dit comme ça. Mais dites-vous qu'en fait, c'est simplement une méprise sur ce qu'est le temps, une méprise sur ce qu'est le prestige, une méprise sur ce qu'est le choix. C'est ça que vous devez retenir. Donc sur le temps, en fait, il explique qu'à son époque, on sacralise énormément le passé au lieu de vivre sur le moment, d'une certaine façon. Et ça, ça fait pas mal écho aujourd'hui à tous ces mouvements, on pourrait dire un peu vintage. On se met à acheter pour des prix d'or des loques que les gens portaient il y a 300, 400 ans, 30, 40 ans. Donc il y a cet élément-là, il y a le prestige. Donc c'est cette idée que finalement, aujourd'hui, le prestige, c'est essentiellement, c'est quelqu'un qui a été mis sous les feux du projecteur, mais une fois que le projecteur n'est plus là, son prestige disparaît. Donc aujourd'hui, ça fait penser à tous les phénomènes de buzz, notamment. Et puis la méprise du choix, donc ça, c'est un petit peu pessimiste, c'est l'idée que quel que soit le choix qu'on fait, en fait, on rentre dans une majorité. Donc soit on rentre dans le moule, on prend le phénomène mainstream, soit on choisit un phénomène de contre-culture un peu alternatif, mais même quand on fait ça, finalement, il y a un espèce de cycle qui fait que ce qui est alternatif devient mainstream, etc. Et quoi qu'il arrive, en fait, on rentre dans un moule. Donc voilà, c'est une théorie qui est très pessimiste et vous ne devez pas hésiter à la critiquer si vous en avez l'occasion. Hein. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui ? Alors, sur l'aliénation, en fait, ce qu'il dit, c'est que cette société marchande change notre comportement et du coup, c'est une aliénation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous transforme dans notre être et dans notre façon d'être. Donc ça, c'est simplement... c'est ça, en fait, l'aliénation. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La limite pour les entreprises, ça, j'avoue que je sais pas trop ce qu'elle essayait de dire, mais je sais pas si quelqu'un a une idée ou une précision là-dessus. Je suis pas revenu dessus, honnêtement. Vu que c'était pas dans les questions... Et j'ai pas les slides ici. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Ok. Alors, on va passer à la suite. Alors, là, on a la théorie de l'encastrement. Alors, ça, c'est. Dites-vous que c'est plus un point de détail dans le cours, donc c'est pas un élément essentiel comme peuvent l'être les autres concepts qu'on a abordés pour le moment. En fait, ce qu'on essayait de montrer en mobilisant cette théorie, donc cette théorie, c'est une théorie qui doit dater, il me semble, des années 70, qui explique en fait que quand on a une structure sociale, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a ce qu'ils appellent donc l'encastrement relationnel. Donc, en fait, c'est notre réseau d'amis. Donc, c'est le contenu de notre réseau social. Et l'encastrement structurel, qui est en fait la structure qui encadre notre réseau social. Et donc, on a repris ça. Parce que ça s'applique assez bien aux réseaux sociaux de manière générale. Quand on regarde Facebook, on a le contenu de notre réseau, c'est tous nos amis. Et puis, il y a la manière dont Facebook organise nos interactions avec nos amis, à travers une interface, à travers des groupes, à travers toute une architecture. Donc, c'est simplement ça, en fait, la différence entre ces deux types d'encastrement. Et on l'a juste mobilisé parce que, comme toutes ces théories qu'on a vues dans le cours, en fait, c'est des théories qui sont assez anciennes, mais qui s'appliquent assez bien aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'elles nous paraissent pertinentes. Et du coup, j'en profite pour revenir sur les liens forts et les liens faibles, puisque c'est le même auteur. Donc, c'est aussi une théorie assez ancienne et pourtant qui devient de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Donc cette idée que même si jamais on a un certain nombre de liens forts et que c'est bien d'avoir des liens forts, donc les gens qu'on connaît vraiment bien personnellement, la vraie opportunité de créer de la valeur au sein de son réseau, selon l'auteur, c'est de favoriser ces liens faibles. Donc c'est les connaissances qu'on connaît via d'autres personnes, puisque c'est la façon finalement de créer un... comment dire... d'étendre son réseau de la manière la plus efficace possible. Des questions là-dessus ? D'accord. Concept suivant. Alors, j'avais une question sur la cyberdissidence. Est-ce que cette personne est là ou pas ? Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose de précis que vous n'avez pas compris ? Mais non, c'était juste en général parce que c'était le plus intervenant et enfin, j'avais un peu du mal à comprendre le lien entre ce qu'il disait avec la Tunisie et la cyberdissidence. D'accord. Mais donc, Là, je vous invite tous à bien relire l'article qui était proposé de Larbi Shuika sur le sujet, où en fait, il explique la façon dont la dissidence s'est organisée en Tunisie sous le régime de Ben Ali, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'oppression, il y avait des sites internet qui étaient bloqués, ils n'avaient pas accès à certains sites internet, et donc, d'une certaine façon, il y a certains dissidents qui se sont mis à l'ère du numérique et qui donc, comme l'intervenant l'expliquait, ont commencé à utiliser des proxys afin d'avoir accès à des sites internet étrangers, afin d'avoir des informations internationales et diversifiées sur le gouvernement en place, parce que Ben Ali, par exemple, il bien propageait et faisait usage de propagande pour favoriser son gouvernement et pour expliquer que tout cela fonctionnait bien. Et donc, ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'on pose souvent la question de savoir si la révolution en Tunisie est une révolution 2.0 et est-ce que c'est vraiment une révolution numérique. Donc là, M. Larbi Shuika a bien insisté sur le fait qu'il faut garder à l'esprit qu'à la base, il y a des vraies revendications sociales et du peuple qui sont spontanées, notamment dans la région du Sud, et qu'en fait, l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet notamment, eh bien, est un outil qui permet voilà, de s'organiser et peut-être d'étendre le mouvement, mais qu'à l'origine, il y a bien une revendication réelle, humaine et sociale. Et donc, là, j'ai tiré une phrase de l'article qui définissait un petit peu ce qu'était la cyberdissident. De nombreux jeunes se sont inspirés de son expérience pour investir la toile et se muer en cyberdissident. Ils ont abondamment utilisé la blogosphère et les réseaux sociaux pour mettre à nu le véritable visage du régime de Ben Ali et briser le blackout médiatique qu'il avait imposé. Donc c'est ça cette idée, l'utilisation de réseaux sociaux, de proxys pour justement contourner ces blocages mis en place par le gouvernement. Est-ce que ça vous semble clair ? Ensuite, on passe. Il y avait une question sur l'écologie informationnelle. Donc là, c'était le dernier cours et le dernier slide, en fait. Et donc, ce que vous devez retenir de l'écologie informationnelle, c'est vraiment qu'en fait, il s'agit d'une métaphore qui est utilisée pour décrire un peu l'environnement dans lequel on se trouve et où, dans cette métaphore, la notion d'information est au cœur. C'est vraiment la monnaie d'échange, c'est vraiment le nerf de la guerre, on va dire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette écologie informationnelle, tout comme dans le monde actuel, quand on pense à l'écologie et l'environnement, il y a certains problèmes, certaines pollutions, et bien dans le monde qui nous entoure maintenant, et bien on a accès à énormément d'informations. On parle d'infobésité. Et donc, il y a une certaine difficulté pour les citoyens, ou pour vous et pour moi, à faire sens, à hiérarchiser toutes ces informations, et à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et que donc, on est dans un milieu, dans un contexte, dans une écologie informationnelle qui est assez inquiétante quand on voit toutes les fake news. Et donc, c'est ça l'idée derrière ce terme d'écologie informationnelle, c'est qu'on est dans un milieu où l'information est au centre, qu'avec l'émergence et l'évolution d'Internet et des réseaux sociaux, eh bien, il y a énormément d'informations qui circulent. Et que donc, il devient de plus en plus compliqué de faire sens de toutes ces informations parce que précisément, il y a énormément de fake news, notamment, qui apparaissent maintenant. Et que donc, il faut toujours croiser ses sources pour savoir, pour déterminer le vrai du faux. Mais donc, Madame Rousseau ne l'a pas utilisé comme un concept d'un auteur, précisément, mais plus comme illustration, comme conclusion du cours, en fait. Cela vous semble clair ? Oui. Si on n'en a pas parlé, à mon avis, ça ne reviendra pas à l'examen, forcément. Et donc forcément, je ne vais pas le décrire ici. Même si je pourrais le faire, mais... Une dernière question qui a été postée hier soir, c'est « Est-ce qu'il y a-t-il des exemples de questions d'examen ?» La réponse est non, parce que c'est la première année que ce cours est donné. Donc forcément, il n'y a pas eu d'examen précédemment. Non. C'est pour ça que je suis revenu assez en profondeur sur la façon dont l'examen sera présenté, avec le nombre de questions et le fait que c'est des questions théoriques et des questions pratiques. Donc voilà, là nous avons répondu, du moins on a essayé de répondre à l'ensemble des questions qui étaient posées sur l'UV. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations sur le cours, sur l'examen, sur les exercices, sur les travaux? Des craintes, des inquiétudes? Oui. Donc pour le travail, on va publier la note et avec également les critères d'évaluation. Donc certains aspects ont été cotés de manière différente pour chacun des travaux. Donc il y a l'ancrage théorique, il y a l'argumentation, il y a le respect des consignes, il y a l'orthographe. Et donc là, vous allez avoir chaque fois les notes séparées de tout cela. Et si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez éventuellement nous envoyer un mail avec précisément votre numéro de groupe, votre sujet de travail et quelle est la question précise qui vous taraude. Oui. Cet après-midi? Oui, cet après-midi. On va publier cela sur l'UV. Peut-être leur dire qu'ils pourront le consulter. Moi, j'ai des questions par rapport au cours que vous avez donné sur la scintophonie, mais c'est simplement des noms d'auteurs, je n'ai pas eu le temps de noter. Ouais. L'auteur principal pour la scintophonie, c'est Sophie Boulet, qui a vraiment travaillé sur le sujet. Enfin, en tout cas, j'ai écrit à un moment, dans le communication corporate dans le film. J'ai mis que ça avait été influencé un public, de grandes écoles, psychologues, sociologues. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser comment une information est perçue par le public. En psychologie, on parle de, avec une étude qui a été menée en 1972 par deux ouais. chercheurs, ouais. qui n'ont pas trouvé le prix Nobel. C'était l'equivalent framing. Et les auteurs, ce sont Kahneman et Tversky. Bon, là, c'était plus pour donner une contextualisation du framing. On ne vous demandera pas d'expliquer l'expérience qu'ils ont faite à ce moment-là. Et dans professionnalisation du métier de communicateur politique, oui. on va servir de relations publiques pour des RP excellentes. Oui. Il y avait un petit chercheur qui m'appelle Grunig. Où là, on est aussi plus dans une théorie assez normative de comment doivent être les relations publiques. Et où là, donc, il y avait quatre modèles qu'il a présentés, de modèle de l'agence de presse, où c'est plus de la persuasion directe, jusqu'au système bidirectionnel, où là, l'entreprise ou l'organisation doit prendre en compte et doit en fait plus dialoguer avec ses publics afin d'atteindre un bien commun et que l'objectif est vraiment que tous les publics soient satisfaits. Mais c'est un idéal un peu inatteignable. Parce que, évidemment, une entreprise, elle a des besoins de faire du bénéfice, c'est son objectif, et que donc forcément, elle va toujours essayer d'influencer d'une manière ou d'une autre ses publics, pour, soit pour vendre plus, soit pour avoir leur soutien, pour avoir quelque chose ou autre. Donc, entre guillemets, c'est un état qui est impossible à atteindre, ou très rarement. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres auteurs qui sont venus avec le modèle de la... Kensel et Cameron qui ont travaillé sur le modèle de la contingence en théorie publique, en relations publiques, où là en fait c'est plus un axe d'une part de l'advocacy jusqu'à l'accommodation. Et donc soit on est complètement en accord avec son public et on essaie d'avoir un feedback et de discuter avec lui, soit on est plus dans la propagande, dans la manipulation directe. Et en fait, en général, la stratégie de relations publiques ou de communication se situe entre ces deux pôles. Donc une version moins normative, mais plus pragmatique. Et vous parlez bien au moment de théorie de l'agir communicationnel. Agir communicationnel. A priori, si vous avez assisté au cours, que vous avez participé aux exercices, il ne devrait pas y avoir de surprise à l'examen. Oui. En tout cas, ce qui a été dit aux exercices. Non, Non, a priori, il n'y a pas de feedback parce qu'il y avait plus un feedback en fait sur le moment même et on échangeait et on arrivait à des conclusions. Donc, sauf si vous avez vraiment une question spécifique sur laquelle vous avez voulu avoir un retour ou un sujet plus particulier, alors là, oui, vous pouvez nous envoyer un mail, mais si c'est pour avoir un feedback total des ensembles d'exercices, là, ce sera compliqué. D'autres questions ? Ben dans ce cas-là, nous vous souhaitons un bon courage pour la session. Par ailleurs, il y a des étudiants de communication politique ici. Hier, il y a eu des présentations et un étudiant a oublié son adaptateur. Voilà. Non, ça va. Je pourrais vous poser une petite question par rapport à l'astrographie, en fait. Oui. Parce que sur mon mémoire, en fait, je travaille sur tout ce qui est Insta, blogueur et tout ça. Bon, moi, j'analyse un peu ce qui est les idées de beauté, donc ça, c'est plus corporel.